Chapitre 28e. 15 jours après le terrible événement que nous venons de décrire, nous eussions retrouvé le vicomte de la Morlière à Paris, dans l'entresol du chevalier de Montfontaine, en compagnie de ce dernier et du baron de Passecroix. Les trois cousins étaient réunis autour d'une table de thé, et la sérénité la plus parfaite régnait sur leur visage. Monsieur de la Morlière disait « Ce pauvre général a été pendant 8 jours entre la vie et la mort. » Mais ce diable de docteur Rouge semble disposer de la vie comme d'une chose qui lui appartient. « Ainsi notre oncle est hors de danger ?» demanda le chevalier. « Complètement. Et chose étonnante, il semble avoir conservé, en dépit de ce coup terrible, une sorte d'énergie sauvage. En vérité, je croyais qu'il ne survivrait pas 8 jours à sa fille. Je me suis trompé. Est-ce que Diane s'est tuée sur le coup ?»« Sur le coup. Pauvre femme !» murmura hypocritement le chevalier. Elle s'est ouvert la tête sur une des pierres de taille qui se trouvait au bas de la croisée, et l'enfant a survécu. L'enfant n'a pas une égratignure. Voilà qui est bizarre. Je ne me l'étais pas expliqué d'abord, et je suis demeuré stupéfait, comme bien vous pensez. Parbleu, dit le baron. Mais enfin, j'ai fini par comprendre. Voyons. Diane, en tombant, a fait la pirouette en vertu des lois naturelles de l'attraction. Sa tête a porté la première et a reçu tout le choc. Le corps et le vêtement de la mère ont fait un bourrelet à l'enfant, si bien que, lorsque nous sommes arrivés, le docteur, le domestique et moi, nous avons trouvé la petite fille étourdie, mais pleine de vie, couchée sur le cadavre de Diane. La pauvre femme, acheva M. de la Morlière, avec son odieux sourire, n'aura pas eu le temps de souffrir. « Tout cela est bel et bon, » dit le chevalier avec humeur. « Mais tu as manqué ton but, cousin, comment cela ? Tu as commis un crime inutile, » ajouta M. de Passecroix. « Ah, pardon !» fit monsieur de la Morlière. « Distinguons, s'il vous plaît. Avant de discuter l'utilité ou l'inutilité de la chose, établissons un principe, messieurs. Voyons. Ce n'est pas moi. C'est nous qui avons commis ce que vous appelez soit. Mais cela ne nous avance absolument à rien. Plaît-il ? Le général adorera cet enfant qui est son sang, après tout. D'accord. Et nous n'aurons pas un sou de son héritage ? Bon, dit le vicomte, un testament pareil pourrait être attaqué. « Fille, murmura le chevalier, il ferait beau voir des neveux soumis et respectueux comme nous l'avons toujours été attaquer la volonté testamentaire de notre bon et cher oncle. »« Je suis de l'avis de Morfontaine, » dit Passecroix. « Vous avez raison, mes beaux seigneurs, » reprit le vicomte. « Ah, le testament de notre oncle ne doit pas être attaquable. Pourquoi ? Parce que notre oncle ne doit pas faire de testament. » Le vicomte prononça ces mots froidement. « Voici que je ne comprends plus. » dit le chevalier de Montfontaine. « Ni moi, » dit M. de Passecroix. « Et vous n'avez nul besoin de comprendre, mes chers cousins. »« Ah, hein, » dirent-ils tous deux. « Il vous suffira de me donner de nouveau vos pleins pouvoirs. Qu'à cela ne tienne. Oh, de grand cœur !» Quand ces deux cousins eurent ainsi parlé, le vicomte se leva. « Où vas-tu » lui demanda-t-on. « Je vais me promener rue de Buffon, au jardin des plantes. Pourquoi faire ? C'est mon secret. Adieu. » Et le vicomte s'en alla. Le cabriolet qui l'avait amené attendait M. de la Morlière dans la cour. Il y monta, prit les rênes et partit au grand trot. 20 minutes après, le trotteur du vicomte arrivait rue de Buffon et s'arrêtait devant une boutique sur laquelle on lisait « Spécialité de café à la crème ». « Voilà bien les épiciers !» murmura le vicomte en descendant de voiture. « Ils trouvent toujours le moyen d'afficher leurs marchandises d'une façon désagréable pour leurs confrères. Évidemment, si celui-là a trouvé une spécialité, les autres crémiers qui vendent du café à la crème ordinaire sont des imbéciles. » Cette réflexion faite, M. de la Morlière entra dans la boutique. Une assez jolie femme, jeune encore, vint à lui et le salua avec respect. « C'est vous qui êtes Madame Rose ?» demanda le vicomte. « Oui, monsieur. »« La femme d'Ambroise, pour vous servir. »« Où est-il, Ambroise ?» La jeune femme se retourna vers l'arrière-boutique. « Hé, Ambroise » cria-t-elle. Un homme apparut. C'était l'ancien valet de chambre de Madame la baronne Rupert. Ambroise avait toujours ses sourires cauteleux, son œil louche, sa désinvolture hardie et insolente. Mais il avait passablement engraissé et avait la mine prospère d'un homme qui se porte fort bien et fait de bonnes affaires. « Eh bien, maître Ambroise, dit le vicomte, es-tu content ? Oui, monsieur le vicomte. Tes affaires vont à merveille. Aimes-tu ta femme ? Beaucoup. » Et maître Ambroise jeta un regard amoureux à Madame Rose. « Ainsi, tu ne désires plus rien. Tu te trouves assez riche. Oh, fit Ambroise, si la fortune ne fait pas le bonheur, du moins. »« Du moins, fit le vicomte, elle y aide. Mais tu as eu 50 000 francs. C'est vrai, une jolie somme. Pouh, fit Ambroise, si on ne songeait pas à l'arrondir. Ah, tu y songes. Dame, j'ai l'esprit du commerce, moi, répliqua Ambroise. Le vicomte sourit silencieusement. Ambroise reprit. Je me fais 15% de mon argent, ici. Dans 7 ans, j'aurai doublé mon avoir. Bon, dit le vicomte, je puis le tripler en moins de temps, moi. Vous, monsieur? Le petit œil de l'ancien valet de chambre étincela. Que ferais-tu pour 100 000 francs? Tout ce que monsieur le vicomte désirerait. C'est peu et c'est beaucoup à la fois. Mon Dieu, dit Ambroise, monsieur le vicomte sait bien que je ne boude pas la besogne. Et s'il a besoin de moi? Peut-être. Je suis prêt. C'est bien. Ces quelques mots avaient été échangés dans un coin de la crèmerie et assez loin de la femme d'Ambroise pour qu'elle n'eût rien entendu. « Quand, monsieur le vicomte, aura-t-il besoin de moi ?» insista l'ancien valet de chambre. « Je ne sais. Peut-être dans 6 mois, ou dans 1 an, ou dans 2, je ne sais pas. Mais il me suffit de savoir que tu ne me feras point de défaut. »« Oh, soyez tranquille. » Le vicomte ne dédaigna point de serrer la main d'Ambroise, puis il remonta en voiture et murmura. « Il faut absolument faire disparaître l'enfant de Diane. »